enfants comme ça. Quand tes amis te parlaient, tu jouais la petite et gros gamin. Mais nous y sont dans l'allée, tu manques de respect, tu es mal barré. Le client a bien payé, c'est maintenant Abidjan va commencer. Les chocobots t'as pas dans cantine, les douces ils vont lutter dans Garba. Nos mamans sont dans tantine, on parle des problèmes, ils entendent pas. C'est parce que tout le monde n'a pas de jet à checker. Gagner là, on a fait quoi checker. On veut tout seul à sa garcité. À ma brigade, j'ai ça, ma j'essaye. En position 1h du matin, Niaga, faut pas te presser. À Bobo, à jamais te baiser. Les petits ont lancé les mails. À l'égère, rentrer. Maman, regarde tes enfants. On est fort, on sait se débrouiller. À quoi c'est faire ce petit bout, je suis dans la vie. Oh, calamant. À quoi c'est faire ce petit bout, je suis dans la vie. Et dans l'esprit. Faut taper dans l'auto, chercher l'argent des pizzas. Tellement que c'est dosé, tout le monde est dans giga. Démarre qui moto, moto, moto de Giza. Elle est inspirée, elle veut saigner pour mettre des bolos. Un, deux, à quoi bolos, j'ai ça, à quoi bolos. Un, deux, les titis, ils sont calés. Tous les petits banquets, ça va en calangue. Tu vivais quoi comme ça, la sorbote, sorbote, son calangue. Venu penser, oublie tes soucis, on commence à gâcher. Les jaloux un côté avancés, on remonte un peu en descendant. Demain, de le soir, après le repas, tout le monde.